J'ai du bruit quelques minutes, révolté ou sèche mille. Et j'ai compris contre moi-même, accord et la lutte. Les menottes ne sont pas mes bijoux. Je laisse ça aux criminels ou sèche trop lucide pour kiffer la vie de voyou. Voyez-vous qu'on finisse leur vie ou leur faux, qu'on se tue pour des loups, c'est ce que l'État veut. Et dis-moi qu'est-ce qu'ils attendent, sachant que des négros se sont fait pendre et que dans nos blocs des gosses font des centres. J'ai rien à foutre de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent. Dieu comme seul maître, j'avance dans ma putain de jungle gris. Les exos n'étaient pas les seuls traîtres, l'État ne m'a pas fait naître, donc j'ai aucun compte à leur rendre. Je suis juste nu crier du poids, aller récalement les descendre. Monsieur l'agent, j'ai rien à revendre, à part mon cocktail de hargne. Bloquer la charogne quand les affamés s'acharnent. On sait qui grogne et qui cogne, donc écartez-moi vos forces de l'ordre. À la fille du poids, ma petite, il faut sucer, ça sert à rien que tu m'en. Hey, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à part prendre ce putain de bic en main et mon arme? Faites courir le bruit, on a vu cramer Paname. Que Dieu me pardonne, mais que l'État il se fait fou. Rien que des belles paroles, remarque, c'est pas leur problème que le peuple broute. Laisse-nous faire le truc comme on le sent. Une pensée pour les détenus, ils se converser leur putain de sang. Génération 80, c'est un usier, Sarko dans le coffre, rap sur Smirnov, mon pote. Tu sais, on a les gènes, mon loto. Ils attendent quoi de nous? Tu crois qu'on va se mettre à genoux? Y'a que face à Dieu qu'on s'incline, et c'est le djinn qui nous anime, frère. Faut qu'on s'affirme, faire nos fermes, que c'est la ferme flair. La forme, mais inspire-toi du fond, c'est ça l'affront. Être droit, ça n'a jamais été de suivre leur loi. Alors arrête, dans ton royaume, je suis mon propre roi. Mais ils veulent quoi en fait? Moi je leur donne rien, mec. Ils me feront pas culpabiliser, c'est eux les chiens sans mettre. Tout ce poteau derrière les barreaux, sale temps vaut mieux se tenir à carreau. Laisse les jouer les oraux ou les aurorous. Tous ces beaux parleurs, il faut les prendre au mot. Moi je suis black sans drop et je suis deux fois plus blanc qu'homo. Histoire de négro par des négros pour des négros. Nègre, nègre, nègre, nègre, négro. Jadis tous king, en vrai on n'a pas d'ego. Euphonie, débit, démo, tout de gauche ou pas au lego. Qu'on se nique, c'est ce qu'ils attendent de nous. Plutôt que se faire la bise, on se baisse. Résout les conflits à coups de lame dans les côtes, balle dans le genou. Et c'est toujours le même schéma. Divisé pour régner, tu la révolution cesse. France, c'est comme ça que le système schéma. Pas d'illusion, c'est pas mon bien qu'ils veulent ici, non. Dorme la masse, achète la paix sociale, mec, c'est hallucinant. Et j'attends de l'aide ni de ni de personne d'autre. Excuse-moi si mes textes sont glauques, ni une ni deux, je compte sur ma gueule et tout le reste va se faire foutre. Y'a trop de haine qui brûle dans mes pupilles, à la vue de ces fils de pute qu'on ferme nos vies et les pilles. Sachez que personne ne gouverne moi, je perds le gouvernement, car celui qui gouverne moi c'est A-L-I-B. Toujours au P pour poser un couplet, fais pas la pince, qui s'en yébi. Ils ont beau nous dévaloriser, vote pour moi, bouge pour moi, on va tout raser. Et ils ont beau nous dévaloriser, vote pour moi, bouge pour moi, jusqu'à l'Elysée, je vais les briser, traumatiser. Je les ai criés, eux leur mère, veulent briser nos rêves. La haine dans la safe boy, guette la banlieue de Paname. Rap de caille pour les braves bad boys. Rien à foutre de ce qu'ils veulent, moi je réponds plus à la norme. La vie un piège, nique l'état sa mère. Dans la dèche avec un spliff bonhomme, moi c'est la yeah, yeah. Voulais ma culte qu'elle respecte, mais je les baisse de mon plein patin. Prépare les taux, j'ai plus le time, même dans l'obscurité, je vois clair, j'ai les yeux farts et non. Carotte pas le carotteur, bah voyons. Jure de caractère, je rêve de faire bouffer le cratère à l'inspecteur. Garçon, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ou plutôt, qu'est-ce que j'attends de mon prix tant de thunes? Y'a trop longtemps que j'assume, je trim, gros. L'État nous paie, si un moyen barbelé. Et celle-ci, c'est pour mes potos derrière les barbelés, gros. Ok.